Le mot ici. Extrait de Phénoménologie de la perception de Maurice Merleau-Ponty, lu et commenté par Olivier Dekens, professeur agrégé de philosophie. Appliqué à mon corps ne désigne pas une position déterminée par rapport à d'autres positions ou par rapport à des coordonnées extérieures, mais l'installation des premières coordonnées, l'ancrage du corps actif dans un objet, la situation du corps en face de ses tâches. L'espace corporel peut se distinguer de l'espace extérieur et envelopper ses parties au lieu de les déployer, parce qu'il est l'obscurité de la salle nécessaire à la clarté du spectacle. Le fond de sommeil ou la réserve de puissance vague sur lesquelles se détache le geste et son but, la zone de non-être devant laquelle peuvent apparaître des êtres, des figures et des points. Il y a une sorte d'expérience originaire de mon propre corps qui, par rapport aux autres expériences du monde, est en position transcendantale, c'est-à-dire est la condition de possibilité de ces autres expériences. Avant de pouvoir toucher un objet, le voir, le percevoir, il faut d'abord que je m'expérimente moi-même comme le voyant, comme le touchant. Avant de pouvoir percevoir objectivement l'espace de cette salle, il faut que je me vive corporellement comme spatialisé, de l'intérieur, pour ainsi dire. Et cette idée, qui est extraordinaire, hein, de non-être, il le dit dans une comparaison qui paraît peut-être encore plus riche, cette obscurité de la salle. On pense au cinéma, hein. Le corps, c'est l'obscurité de la salle. Le monde, c'est le film. Sans obscurité, je ne vois rien. Et donc, l'obscurité de la salle est la condition de la vision.